waaw lay bon amon na fi waaw ci nak ben xalé njobet la njobet bo xéti ni saway def ni la don ni la don ni la ba buñ comprendre ñu dem sen classe rek mais fa ne tay bon daf leen di jangal ñu defal ko ben phrase bo xam day commencer par deka waaw kay ñew élève ki commencer ko nek commencer ko solo ko ben élève yëkëti loxo waaw monsieur intéressé ko mu ne waaw okay ñew dag ne waaw dès que j'arrive à la maison je t'appelle ok c'est bon keneen ñew commencer wat waxat benen phrase par deka ndekete say suñu jobel ma nga sa ginaaw rek di deglu gaay mom daal yak waaw élève la mam élève la sax mam da nilar rek légui nak mu tok ca ganaw xam nga nilar mom ca ganaw lay tok comme mom daal gis na gaay di yëkëti sen loxo di tontu rek mu yaxani affaire bi ap xolo légui daal mom na yëkëti rek lu mu xalaat rek wax say daal yëkëti loxo bi yëkëti prof bi daal koy interroger daal nako légui dag may commencer ben phrase bo xamné dag may dox ben phrase bo xamné commencer par deux ñu ko d'accord monsieur ne ko monsieur wa lo bëgg nga né deux mu ni waaw deux mu ni ko deux nga wax mu ni waaw deux nek élève bi jog rek yëkëti tuwé bi rek commencer par quatre deux ko yëngal moussa deux ko yëngal fa lepp jexé